toi-même. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Plus que tout au monde, je t'admire chaque seconde. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Je t'aime. Toi maman, t'es ma reine. Depuis ma naissance, y'a beaucoup d'échanges. Toi maman, t'es mon ange. Je voudrais te l'écrire. Je préfère te le dire. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Dans tes yeux qui brillent, ton cœur qui palpite, on s'aime, tu m'aimes, je t'aime. Je te remercie. À la folie.